بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا سفيان، الواجب لغة الواجب في اللغة الواجب selon la langue arabe. Ça sous-entend quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition du واجب? Dans la langue arabe. La langue arabe, pourquoi on évoque le... Ça c'est une question, une autre question. Pourquoi à chaque fois on évoque la définition du mot en langue arabe et la définition du mot selon la linguistique des gens de la matière? Pourquoi? C'est pas la même. C'est pas pareil, mais il y a toujours un lien. Il y a toujours une alaqa. Il y a toujours un lien entre les deux définitions. Ça va? Là, pour le wajib, c'est quoi, hein, selon la loi? Ah, c'est la deuxième. En gros, pourquoi, Yanni, c'est quoi le wajib selon la langue arabe? Il le dit l'aura. Selon la langue arabe. Non, ça, c'est pas la langue arabe. Oui. Asaqit wal luzum. Selon la langue arabe, le mot wajib, il signifie une chose qui tombe. Une chose qui tombe ou qui reste. Hein? Une chose qui tombe ou qui reste. Qui c'est qui peut me faire le lien entre cette définition-là en langue arabe et la définition de la linguistique des gens du fer? Déjà, c'est quoi la définition de la linguistique, celle que tu as dit? Ma marabihi, chara, ce que a ordonné le législateur. ما أمر به الشارع لا اسمعين جزا الله خيرا إلى دنيا ما تلا الشارع على وجه الإلزام على وجه الإلزام ما أمر به الشارع على وجه الإلزام الإلزام c'est ce que le législateur il a ordonné d'une manière obligatoire. C'est quoi le lien entre la définition de la langue arabe et cette définition? En langue arabe, c'est une chose qui est tombe, ça, et une autre chose qui est reste. L'obligation, la législation, après, elle tombe. Vous avez compris le lien entre les deux? C'est que la législation, khalas, une fois qu'elle descend sur toi, elle descend sur le... Donc elle lève, khalas. Non seulement elle reste, mais elle descend, tu vois, sur lui, il est obligé de la mettre en pratique. Tamam. Et c'est quoi les fruits d'accomplir la voie à Dieu? Quels sont les fruits? On est récompensé sur les faits et sur les délais sont en péché. On est récompensé si on fait le wajib. Hakada, on est récompensé si on fait le wajib, bien c'est bien. Mutlakan. Est-ce qu'on est récompensé dans l'absolu? Si tu as fait le wajib, khalas, tu es récompensé. Oubliez pour. Si tu as mis l'intention. Si tu as mis l'intention, c'est-à-dire par soumission. Si tu as fait cela, par soumission à Allah Azza wa Jal. طيب قال عليه رحمة الله المندوب c'est comme le مستحب alors la terminale du wajib là on rentre dans المندوب. قال المندوب في اللغة المندوب في اللغة c'est la chose invitée. C'est l'invité. Selon la langue arabe, le mando, c'est l'invité. Wastilahan, ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. C'est ce que a ordonné le législateur, mais non pas d'une manière obligatoire. Ça, c'est le mandoub. Karawatib, comme les rawatib, les prières entre chaque salat obligatoire. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. Donc il est sorti, a été accepté de notre, avec notre parole ce que le législateur a ordonné, le muharram, le makruh et le mubah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas le muharram, ni le makruh, ni le mubah. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام. Et lorsqu'on dit d'une manière qui n'est pas obligatoire, ça accepte le wajib. والمندوب يثاب فاعله امتثالا. المندوب par les fruits du مستحب المندوب c'est que celui qui l'accomplit avec soumission il est récompensé. ولا يعاقب تاركه. Et celui qui le délaisse il n'est pas châtié. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. Et on peut l'appeler aussi, c'est-à-dire le mandoub, on peut l'appeler aussi sunna, on peut l'appeler aussi masnoun, on peut l'appeler aussi mustahab, et on peut l'appeler aussi nafl. Ça va? Oui. Celui qui ne fait pas la prière du huître. L'imam Ahmed, Ibn Hanbal, il prend pas l'attestation, la shahada, le témoignage d'une personne qui ne fait pas le huître. Là, qu'est-ce qu'on dit là? C'est très très très recommandé. Ouais, c'est très recommandé. Après, chez certaines personnes de bénit, on peut vraiment lui. S'il la délaisse, on va lui dire en gros, c'est pas un péché, mais on peut lui faire la remarque. On peut Ahsan. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, le huître, que là, les cas sunnat. Al-Fajr, c'est des choses où le prophète sallam il a dawa, il les a jamais lâchées. En voyage, en étant résident, il les a jamais lâchées. Ça y est, c'est-à-dire la personne qui les lâche, elle prend pas de péché. Mais elle peut, elle est en droit d'être critiquée, d'être blâmée, par rapport au fait qu'elle a laissé cela. Comment on a dit dans son Abi Daoud, est-ce que ça man lam yutir falaysa minna? Est-ce qu'il est sahih ce hadith? Man lam yutir falaysa minna. Allah a'lam. Al-Zahir, annahu laysa bi sahih. Un hadith, Abu Abdullah ibn Rabah, un hadith du prophète sallam qui dit celui qui ne fait pas le huître, il ne veut pas marquer le nom. Je demande s'il est sahih. Allah a'lam. Dans l'apparent comme ça, il ne paraît pas sahih. L'imana. L'an a indana hadith. Al-witru haqqun fa man lam yutir falaysa minna. Al-witru haqqun fa man lam yutir falaysa minna. Tamam. Wa hadith hada rawama. Abu Dawud. Abu Dawud. C'est un hadith rapporté par Abu Dawud. Wa lana hadith Jabir ibn Abdillah. Al-muttafaq alayh. أن رجلا قال يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال نعم. حديث رواه مسلم. لا بسنا نص حديث أنا من ابن بكر الخوات السلام الذي هو خوات الله Regarde. Vois-tu, si je fais, j'accomplis les prières obligatoires. Elles ne m'offrent pas, c'est juste les cinq. Les cinq prières obligatoires. Et je jeûne le mois de Ramadan. Je rajoute rien à cela, est-ce que j'entre au paradis? Le prophète s'est mis à dire. الحديث كما ذكره محمد بن حيدان يرى انه ليس ب il est pas ça du prophète il est pas ça il est pas ça mais donc le hadith que tu viens de dire une personne elle peut dire yani le fait de jeûner Ramadan c'est une obligation ou non mais dans le hadith il n'est pas cité الحج والحج سمعت في دور الحج في دور الحج نعم فهم يقولون ان كان هذه هذا الحديث في بداية أو قبل مشروعية أو وجوب الحد. Donc ils peuvent répondre sur ces hadiths-là comme quoi au fil du temps de la révélation il y a certaines choses qui ont été qui sont devenues obligatoires. Non. C'est pas légiféré. Au début c'était pas légiféré, mais qu'il après. Non. Mais il n'y a pas de dalil yujib al-witr. Non, mais par exemple, on a ça à Tahiyat al-Masjid. Tahiyat al-Masjid. Tahiyat al-Masjid, est-ce que c'est une obligation ou pas? On a ça, non. Oh, Wadi. Wadi. Hakam alayhi bidda'f, man hakam alayhi bidda'f. Al-Albani. Al-Hadith, hada fil witr, da'if. Jazakallahu khairan, ya Abdelkader. طيب يعني تحية المسجد واجب le fait de faire la prière de salutation de la mosquée c'est واجب لحديث أو لعدة أحاديث في الباب جاء عثمان في الجمعة فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عثمان il est venu en retard le jour du Jumu'ah. Et le prophète Hassan était en train de faire le sermon et il s'est assis directement. Fakal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il a coupé son khutbah. Ça te montre le caractère obligatoire. Parce que le prophète était dans une khutbah, il a coupé son khutbah et il a dit Assalaïti ya Fulain, ya Fulain. Est-ce que tu as pris ou a-t-il? Fakal qum farka rak'atayn. Le prophète Hassan lui a ordonné de se lever et de faire rak'atayn. Et on va le voir dans ce livre-là, un chapitre qui dit Al-Amr, tu fais des al-wujub. Le fait que le prophète Hassan lui dit Qum, ça c'est l'impératif. L'impératif, dans la grande majorité des cas, il indique le caractère obligatoire de la chose. À la kulli hal, il y a al-mustahab. Anwa, les choses qui sont mustahab, elles sont de plusieurs catégories. Il y a des sunan, des choses qui sont mustahab, mais qui sont mu'akkada. Comment on peut dire ça? Fortement recommandé. Fortement recommandé. Ces choses-là, la personne, surtout le talib al-ilm, en vérité, ils ne doivent pas les laisser. De ne pas la laisser. Le Nabi sallam, il a blâmé un compagnon qui ne faisait pas la qiyam al-layl. Wa al qiyam al-layl wajib? La, laisse le wajib. Fa akhadna min dhalik. On a pris de cela que tu peux critiquer ou blâmer une personne qui ne fait pas des sunan qui sont fortement recommandés. Par rapport à son statut ou par rapport au fait qu'il sait que c'est fortement recommandé. Celui qui sait que c'est fortement recommandé, il sait tout à fait. Mais celui qui est bien, tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas le blâmer.